écrasé Gabaon. L'alliance devient source de guerre. Mais Israël se lève pour défendre ce qu'il a lié sur la terre. Tu jettes la panique sur l'ennemi. Les pierres tombent du ciel et sous la main visible du Très-Haut, la victoire devient surnaturelle. Quand tu combats pour nous, le temps lui-même obéit. Soleil, arrête-toi sur le combat jusqu'à ce que ta victoire soit complète. Même les astres écoutent ta voix. Rattrape chaque retard. Je suis rempart à l'éternel devant les peuples terrifiés. Car ce jour-là, on a vu de ses yeux que tu combattais pour Israël. Oh, oh, oh. Quand Dieu combat. Le ciel s'arrête.